J'aime pas trop laisser d'indices dans mes chansons, pour éviter que les autres aperçoivent quand je parle de toi, de nos rencarts, quand je te prends dans les chiottes du bar. Je t'aime. En attendant, tu devines quand même que cette chanson est pour toi. Tu m'écoutes dans ton pauvre HLM, et sous mon poster la nuit, tu rêves de moi. Je t'aime. Un jour, je n'aurai plus besoin de te cacher dans mes chansons. Je t'écrirai des tas d'albums, je te réserverai mes hormones. Je serai pour toi le seul homme. En attendant, écoute ma voix qui te dit je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.